kolele kimingi na kobanga nokio changer mutamba yelanga ndoto kona silisa mwa basusi sakaluka yena na bika tantasio etondi omotema nalingise na monaka yo soki na zangyo na kokoto tantasio etondi omboka a toi de jouer mon amour. A toi de jouer mon amour. Papa na consolata. Utamba yelanga nandoto bona silisa mwa basusi sakaluka yena nabika tantasio etondi omotema nalingise na monaka yo soki na zangyo na kokondo tantasio etondi omboka a toi de jouer mon amour. Aye, papa, aye, chérie, passe na yo, passe na ma. Susi a foyé, je considère canté au mama. Aïe, papa, aïe, chérie, passe na yo, passe na maé, passe na yo, passe na maé. Bonne maïa, moye, toma na bon bonna, santé à sa souci. Nasili sakini mabima mbona koluka kayo atabalo biye nakoboya yote o baba aye papa aye chérie passe na ngae passe na yo passe na ngae. Oh, Oh,